Faire se dit affaire, qui s'écrit H-A-C-E-R. Affaire. Encore une fois, le H ne se prononce pas. Donc, on a affaire, faire. Comment direz-vous faire comme ça? À faire assis. En effet, à faire assis. Faire comme ça. À faire assis. Donc, à faire, c'est faire. On a vu auparavant que c'est devant E ou I, par exemple ici dans à faire, se prononce F. À faire, c'est comme ça qu'on le prononce en espagnol standard. À faire. Mais en Amérique latine, ainsi que dans certaines régions d'Espagne, ce son F n'existe pas. Et on le prononce S. Alors on dira hacer. Mais c'est toujours faire. Alors, si vous voulez dire qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, ce sera qu'est-ce que vous voulez. Qui est. Qu'est-ce que se dit. Qui. Qui, c'est ça. Vous voulez. Quiere. Que quiere. Faire. À faire. Maintenant. Ahora. Tout à fait. Que quiere hacer ahora. Encore une fois. Faire. Hacer. Bon. Alors, quand un mot se termine par une consonne, ce qui est le cas de tous les verbes espagnols, donc de tous les infinitifs, c'est la fin dans l'infinitif qui doit être accentuée. Donc, à l'oral, on insiste sur la dernière syllabe. Alors, faire se dit à faire. Encore une fois. À faire. À faire. Et manger, qui s'écrit C-O-M-E-R, se prononce comer. Comer. Manger, c'est comer. Pensez au mot comestible en français. Donc, comer, manger. Et le mot pour dire quelque chose, c'est algo. Algo. A-L-G-O. Algo. Donc, pour dire je veux quelque chose, vous direz quiero algo. Encore une fois. Quiero algo. Quiero algo. Oui. J'ai quelque chose pour vous. J'ai. Tengo. Encore une fois. Tengo algo. Tengo algo, d'accord. Pour vous. Para usted. Para usted. Tengo algo para usted. Et si je vous demande. Je veux manger. Ça se dit. Quiero comer. Quiero comer. Comer. Quiero comer. Et je veux manger quelque chose maintenant. Quiero comer algo. Très bien. Quiero comer algo maintenant. Ahora. C'est ça. Quiero comer algo ahora. Et comment dit-on j'ai? Tengo. Tengo. Et pour dire j'ai faim, le mot pour dire faim, c'est hambre, qui s'écrit H-A-M-B-R-E. À ne pas confondre avec hombre, que vous avez peut-être déjà entendu. Hombre, H-O-M-B-R-E, veut dire homme. Mais hambre, c'est la faim. Alors, pour dire j'ai faim, on dira tengo hambre. Bien. Tengo hambre. Tengo hambre. Alors, comment direz-vous je veux manger quelque chose maintenant parce que j'ai faim? Je veux. Tengo. Attention. Je veux. Ah oui, non pas tengo. quiero. Quiero bien manger. Comer. Comer quelque chose. Algo. Maintenant. Ahora. Bien. Quiero comer algo ahora. Parce que. Porque. Porque j'ai faim. Yo tengo hambre. Vous venez de dire moi j'ai faim. C'est qui n'est pas nécessairement pas faux. Hein? Mais si vous voulez dire simplement j'ai faim, ça sera. Ah oui, tengo hambre. C'est ça. Hein? Le yo est omis. Hein? Tengo hambre. Porque tengo hambre. Quiero comer algo ahora. Je veux manger quelque chose maintenant. Porque tengo hambre. Parce que j'ai faim. Quiero comer algo ahora porque tengo hambre. Et qu'est-ce que vous voulez manger? Ça se dira. Qu'est-ce que vous voulez? Que. Quiere. Dites-le à nouveau. Que quiere. Voilà, c'est ça. Hein, c'est déjà mieux. Quiere. Qu'est-ce que vous voulez manger? Que quiere comer. C'est ça. Que quiere comer. Donc, encore une fois, j'ai faim, se dit. Tengo hambre. Tengo hambre. Et comment direz-vous? Vous avez faim. Tiene hambre. Tiene hambre. Et est-ce que vous avez faim? Tiene hambre. C'est ça. Tiene hambre. En fait, c'est la même phrase, mais avec une intonation interrogative. Comment direz-vous? Est-ce que vous avez faim? Hein? Est-ce que vous voulez manger quelque chose maintenant? Tiene hambre. Quiere comer algo ahora? Très bien. Tiene hambre. Est-ce que vous avez faim? Quiere comer algo ahora? Est-ce que vous voulez manger quelque chose maintenant? Hein? Quiere. Est-ce que vous voulez comer, manger algo ahora? Quelque chose maintenant. Et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas manger? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas manger? No quiere comer. Bien. Pourquoi no quiere comer? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas manger? Pourquoi no quiere comer? Très bien.